cours pas comme ça, dis. Eh, y a pas le feu chez toi. Hey Joe. Eh, viens dire bonjour. Eh, t'en mourras pas. Non. Moi, je rentre à l'heure qui me plaît. J'ai même plus de montre, j'ai tout mon temps. Ce qui m'attend chez moi, je le sais, rien qu'un lit froid, sans personne dedans. Hey Joe, si on parlait, hein, mais de quoi? Hey Joe, le Vietnam, la bombe, ah, tu t'en fous de tout ça, non? Comme tu dis, la vie, c'est le métro, à 6h et chacun pour soi. Mais pour toi Joe, il y a toujours une place. Mais pas pour moi. Dis-moi pourquoi. Entre-temps.